Josué, chapitre 12. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent, et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Sa domination s'étendait depuis Aroer, qui est au bord du torrent de l'Arnon, et, depuis le milieu du torrent, sur la moitié de Galaad, jusqu'au torrent de Jabbok, frontière des enfants d'Ammon. Sur la plaine, jusqu'à la mer de Kinneret à l'Orient, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée, à l'Orient vers Beth-Jeshimoth, et du côté du Midi, sur le pied du Pisga. Og, roi de Bazan, seul reste des Réphaïm, qui habitait à Ashtaroth et à Edrei. Sa domination s'étendait sur la montagne de l'Hermon, sur Salka, sur tout Bazan jusqu'à la frontière des Guéchuriens et des Maacassiens, et sur la moitié de Galaad, frontière de Sihon, roi de Hesbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les enfants d'Israël les bâtirent. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, donna leur pays en possession aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain, à l'occident, depuis Baal-Gad dans la vallée du Liban jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séhir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion, dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le Midi, pays des Hétiens, des Amoréens, des Cananéens, des Phérésiens, des Héviens et des Jébusiens. Le roi de Jéricho, 1. Le roi d'Haï, près de Bethel, 1. Le roi de Jérusalem, 1. Le roi d'Hébron, 1. Le roi de Jarmut, 1. Le roi de Lachis, 1. Le roi d'Églon, 1. Le roi de Gézer, 1. Le roi de Débir, 1. Le roi de Guéder, 1. Le roi de Horma, 1. Le roi d'Arad, 1. Le roi de Libna, 1. Le roi d'Adulam, 1. Le roi de Makeda, 1. Le roi de Bethel, 1. Le roi de Tapuar, 1. Le roi de Hépher, 1. Le roi d'Aphek, 1. Le roi de Lacharon, 1. Le roi de Madon, 1. Le roi de Hatsor, 1. Le roi de Shimron-Méron, 1. Le roi d'Akshaf, 1. Le roi de Taanak, 1. Le roi de Megiddo, 1. Le roi de Kedesh, 1. Le roi de Jokneam, au Carmel, 1. Le roi de Dor, sur les hauteurs de Dor, 1. Le roi de Gojim, près de Gilgal, 1. Le roi de Tirtsa, 1. Total des rois, 31.